Même si un jour la vie t'arrache à moi, même si un jour tu t'en vas loin de moi, oh mon amour, ne t'inquiète pas pour moi. Je ne t'aime pas. Même si un jour tu joues à l'infidèle, même si un jour tu suces Fernandelle, oh mon amour, j'irai le remercier. Car je ne t'aime pas.